perforer des reins. Gosse furieux aux forêts, 666, perce 3 points sous son propre poing. Comme seul phare des marques de sang. État d'esprit et pris de mépris, prend du placard pour bon point. D'avenir incertain, petite trace d'accueil chaleureux, dangereux. Fait glisser les noisettes de l'écureuil. Derrière la boutique, cueille les fleurs. Dans la crasse, mes phrases et chlasse. L'horreur gageuse, rageuse majeure. Saigne mes heures en seigneur avec des glaires. Glaire, bref, crachat qui cravache. Mon rovage touche pas, faut pas chat dans vos baffes. Vache sévère, mes vers sévères, c'est vers les miens que je vais. C'est le verre qui prime, qui apostrophe derrière les pailles de certains anciens. 11-43, j'échappe à leur chevet. Du bronze antique, bradé intéressant. Mais l'or dehors te caressant, je trouve ça crade, camarade, arrête de faire ton intéressant, intéressant. Le quartier change, seuls les enfants morts restent des anges. Les petits mecs mangent, les petits mecs qui dérangent, juste en pliant la première phalange. Des temps pressés, ta tête pressée comme une orange. Entre quatre planches, on te range, trop de jus renversé gratuitement des manches. Mes poings, mes pieds, mes idées dérangent. Les actes criminels en France vengent. Les longs silences, les balles perdues, les sépultures vidées. Répandues sur le béton armé comme une huile de vidange. Le bolide fonce, le speed défonce, la weed annonce. La tisse s'enfonce, renonce au pire qui jamais ne se prononce. Pris dans les ronces, une bouffée de pionce. Si te touche mes réponses, sache que les chemins de mes lascars, c'est mettre à coups de tronche dans les parois. Le venin du système, dans tous les sens, essaie de pénétrer mon nerveux système. Condé, en moi toujours l'envie de poser mes couilles sur ton nez. Dans ma zone de ces bâtards, je suis inondé. Grand, comprends-moi que des diables au cul de chacun. Pas de femme agréable de pièces glissées doucement. Tous nos petits camarades avant l'endormissement. Camarades dans la cité dure construite sur l'instable. Colline et Beauval ont pris d'instable. Donc camarades, camarades, par qu'on s'en balade. La balade des gens malheureux. Je t'emmène en banlieue, là où la vie du quartier est un jeu dangereux. Tu vis, tu meurs, tu passes par la casse prison un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Voilà l'itinéraire gâté d'un mauvais garçon qui ne fait pas l'apôtre. L'essentiel de ce que j'ai vécu ou fait vivre aux autres. Déformé donc mal perçu, donc combien de frères et sœurs ont rêvé que je me vote. Rêve que je me vote, marre d'entendre sur les ondes la merde des autres. Quand je traîne de sentir la piste la merde des autres. Trop de pertes humaines, alerte les pertes deviennent rares. Quinzaine révolue, certaines expertes passent encore au travers sous nos vues. Je fais des joints sans demander mon reste moi. Attitude, habitude de combien de types qui titubent. C'est à se demander ce que glande le reste. Ce qu'attend le restant, peut-être le restant de nos restes. Les pestes restant, mise en échec ses caisses. Sur le fil sont trop typiques, ses bras d'un coup. Brave type pour les mêmes causes, les mêmes clauses. Loin de l'hypnose battante, sous herbe à battant, battante, sous ses bras d'un coup.